À la télé il y avait Astro le petit lobo. À la télé il y avait Astro le petit lobo. C'est là que je suis né comme un vulgaire parigo. C'est là que je suis né comme un vulgaire parigo. J'ai grandi dans une cité où je buvais du Benko. J'ai grandi dans une cité où je buvais du Benko. En regardant tout le temps les émissions du club d'eau. En regardant tout le temps les émissions du club d'eau. J'ai été devenu dingue d'un plombier nommé Mario. J'ai été devenu dingue d'un plombier nommé Mario. J'étais devenu fan, oui, un fan de Nintendo. J'étais devenu un fan, oui, un fan de Nintendo. Depuis j'adore les animes comme les jeux vidéo. Depuis j'adore les animes comme les jeux vidéo. Le Japon m'a fait grandir aussi vite que Ronaldo. Le Japon m'a fait grandir aussi vite que Ronaldo. J'ai adoré un manga où il y avait des persos. J'ai adoré un manga où il y avait des persos qui à la fin de leur phrase disaient tout le temps gno. Qui à la fin de leur phrase disaient tout le temps gno. Il y avait Olive et Tom et Roberto Cedinho. Il y avait Olive et Tom et Roberto Cedinho. Les chevaliers du zodiaque avec leurs armures c'était beau. Les chevaliers du zodiaque avec leurs armures c'était beau. Je parle un peu japonais, je parle le Nihongo. Je parle un peu japonais, je parle le Nihongo. Grâce à des correspondants et à mon ami Polo. Grâce à des correspondants et à mon ami Polo. Il y avait Hiroshi, il y avait Noriko. Il y avait Hiroshi, il y avait Noriko. C'était intéressant, Moshiroidesio. C'était intéressant, Moshiroidesio. Avec d'autres potes, on est allé se taper des verres d'eau. Avec d'autres potes, on est allé se taper des verres d'eau. J'avais un peu la trouille car il y avait plein d'homos. J'avais un peu la trouille car il y avait plein d'homos. J'ai jamais fumé de joint, non jamais pris de bédo. J'ai jamais fumé de joint, non jamais pris de bédo. N'empêche que je suis taré, enfermé dans ce ghetto. N'empêche que je suis taré, enfermé dans ce ghetto. Si ma chanson vous a plu, oui donnez-moi des euros. Si ma chanson vous a plu, oui donnez-moi des euros. Histoire partir au Japon pour pouvoir bouffer McDo. Histoire partir au Japon pour pouvoir bouffer McDo. Je me souviens plus de la suite, alors pour la rime en haut. Je me souviens plus de la suite, alors pour la rime en haut. Je ne peux dire qu'un seul truc, je suis fan de Nintendo. Je ne peux dire qu'un seul truc, je suis fan de Nintendo. Je suis fan de Nintendo.